بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue quant à la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. La semaine dernière, on était à l'an 6 de l'Hégire et on avait parlé ici du pacte d'Al-Hudaybiyah. Et avant de rentrer dans l'année 7 de l'Hégire, je voulais rappeler un point. On avait cité ici le pacte qui avait, ou alors les traités qui concernaient le pacte d'Al-Hudaybiyah. Et l'imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, a dit que la plus grande bataille gagnée par le prophète, alayhi salatu wassalam, était la bataille concernant le pacte d'Al-Hudaybiyah. Donc il a appelé ce pacte une bataille. Une bataille gagnée, bien plus que cela, la plus grande des batailles que le prophète, alayhi salatu wassalam, a gagnée. Pourquoi ? Parce qu'on avait rappelé que, ici, après ce traité-là, il y avait, yani, une certaine paix entre le prophète, alayhi salatu wassalam, les sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, ainsi que, ici, les Quraysh. Donc, ici, il y a eu ce traité qui a fait qu'il pouvait, ici, faire ad-da'watu ilallahi azza wa jal, transmettre cette religion de la façon la plus claire, de la façon la plus ouverte possible. Et ici, ça les a permis ici de gagner les cœurs, de nombreux cœurs, de renforcer l'islam et les musulmans. Et ensuite, peu de temps après, comme on le verra par la suite, ils ont pu ici rentrer en grand nombre à Fouadja, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et que tu vois ici les musulmans, les croyants rentrer à la Mecque, mais en grand nombre. Afouaj, ceci a été dû à quoi? Ad-da'watu ilallahi azza wa jal, qui a été propagé alors qu'il y avait ces traités de paix entre les musulmans et les Quraysh. Donc ici, ça leur a permis de transmettre cette religion bi-idnillahi azza wa jal. Parmi les traités, il y avait le fait que si un musulman quittait ici, ou plutôt un hypocrite ou un associateur quittait les rangs du prophète alayhi salatu wassalam pour se diriger vers la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas droit ni les compagnons de l'en empêcher. Mais par contre, si un musulman prenait la fuite de la Mecque, ici, le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que sahaba radiyallahu anhu mardahum étaient obligés pour eux de rapporter ici ces croyants qui étaient venus exilés vers le prophète alayhi salatu wassalam à qui? Ici, au Quraysh qui était à la Mecque. Donc ici, les compagnons ont du mal à accepter cela. Walakin sami'na wa ata'na, ils ont entendu, ils ont obéi ici au commandement du prophète alayhi salatu wassalam, alladhi la yantiqu 'anil hawa, celui qui ne parle pas poussé par sa passion. Je savais que c'était que par révélation que le prophète alayhi salatu wassalam parlait. Donc ici, il y a eu une exception concernant les femmes. Allah Azza wa Jalla a fait exception dans le Coran al-Karim concernant les femmes. C'est-à-dire les femmes qui étaient ici auprès de Quraysh, étaient à la Mecque et qu'ils venaient exiler vers le prophète alayhi salatu wassalam. Allah a rappelé au prophète alayhi salatu wassalam que ces femmes-là particulièrement, précisément ces femmes-là qui faisaient l'exil, ils n'avaient pas à les renvoyer. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le verset coranique « Ayyuhal ladhina amanu, idha ja'akumul mu'minat muhajirat, famtahinuhun » Ici, si les femmes viennent, c'est-à-dire les femmes croyantes viennent en émigrer vers vous, éprouvez-les. Donc Allah Azza wa Jalla dit éprouvez-les. Ensuite il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux infidèles. Ceci est une particularité pour les femmes. Ici certains savants ont fait un ijtihad et ils ont dit parce que la femme est plus faible de façon générale que l'homme. Allah sait très bien que la femme aurait eu plus de mal à supporter les épreuves, les préjudices, les persécutions que l'homme. Donc ici, c'est pour ça qu'Allah a fait exception aux femmes. C'est pour dire au prophète, si par contre il y a des femmes, tu ne les renvoies pas. Donc ici, alhamdoulilah, donc comme on avait rappelé ici ce pacte, les compagnons ont eu mal. Là qu'il le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a rappelé qu'il y avait un grand bienfait dans ce pacte-là. Et parmi ce grand bienfait, comme on a dit, ad-da'watu ilallahi azza wa jal, la paix, la sécurité, pendant une période de 10 ans. Pendant une période, on va dire, soi-disant de 10 ans. Si bien sûr, eux qui avaient conclu les pactes avec le prophète alayhi salatu wassalam ne les avaient pas rompus. On passe à l'année 7 de l'Hijra, al-Hijra. On passe à l'année 7 de l'Hijra. Voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, alhamdulillah, ils sont ici à Médine. Ils vivent en paix. Ils ont conclu un pacte avec les Quraysh. Mais il y a un problème. Il reste une tribu qui fait partie des Juifs. Une tribu juive. Et il reste une tribu de bédouins qui causent du tort à l'islam, qui ont causé auparavant du tort à l'islam et qui ne cessent de causer du tort à l'islam et aux musulmans. La première tribu dont on va parler, c'est la tribu juive. La tribu juive qui avait participé ici à l'élaboration de ce projet qui était quoi? Ghazwatul Ahzab, la coalisée ou les coalisées. Donc ils avaient participé au rassemblement des juifs ainsi que des différentes tribus arabes avec eux, les Quraysh, pour attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Et on avait parlé de cette ghazwa, Ghazwatul Ahzab ou bien Ghazwatul Khandaq. Donc ici ces juifs-là continuaient à provoquer le prophète alayhi salatu wassalam, provoquer les musulmans. Et ils étaient dans un endroit appelé Khaybar. Ils étaient dans un endroit appelé Khaybar. Et après qu'ils continuent, ou alors après avoir provoqué le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les compagnons ici à plusieurs reprises, le prophète a décidé de se débarrasser d'eux. Le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les compagnons ont décidé de se débarrasser d'eux. Pourquoi? Car ils ne cessaient de causer du tort à l'islam et aux musulmans. Ils savaient très bien que ces personnes-là, ces juifs-là qui étaient à Khaybar, ils n'ont cessé de trahir les pactes et les traités qu'il y avait entre eux et le prophète alayhi salatu wassalam. Et vous savez qu'on avait dit, si vous vous souvenez auparavant, que quand le prophète a chassé les trois tribus juives qui étaient à Médine, il y avait les Banu Nadir, il y avait les Banu Qaynuqa et les Banu Qurayza. La dernière tribu qui était, c'était les Banu Qurayza. Donc il y avait les Banu Nadir et les Banu Qaynuqa. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a vu qu'ils ont trahi les pactes, les traités, ici de paix, le fait de défendre Médine, etc. Ils se sont attaqués au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a décidé de quoi? De les chasser. Et on rappelle que les juifs ont toujours cohabité avec les musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam a toujours permis aux juifs de vivre dans la péninsule arabique, bien que, il faut souligner et connaître l'histoire et tarikh et connaître la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, bien que ceux-ci ne cessaient de trahir les pactes. Le prophète leur permettait à chaque fois, ici, même quand ils voyaient qu'ils avaient trahi un pacte et qu'ils leur déclaraient la guerre, ou alors ils se défendaient parce que ces juifs-là les attaquaient, après qu'ils faisaient des prisonniers, ils leur laissaient encore des répits. Ils leur laissaient encore des répits comme on va voir à Khaybar, alayhi salatu wassalam. Donc ici, les juifs, ici, qui ont trahi ces pactes-là, ils ont attaqué ou ils ont voulu attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète les a combattus et les a fait fuir de quoi? De Médine. Il y avait les Banu Nadir et les Banu Qaynuqa qui sont partis. Et parmi eux, il y a une grande partie d'entre eux, de ces juifs-là, qui ont été chassés, qui faisaient partie de ces deux tribus-là, Banu Nadir et Banu Qaynuqa, qui sont partis à Khaybar. Pourquoi? Parce qu'à Khaybar, c'était un lieu qui était à environ 150 km de Médine. Et cet endroit-là, qui était à 150 km à peu près de Médine, c'était un endroit où il y avait une grande communauté de juifs. Il y avait de grands commerçants, et il y avait beaucoup de juifs qui étaient habitués à semer la terre ici et à travailler dans les terres, jusqu'à ce qu'il est rapporté qu'ils sont devenus très riches et ils ont accumulé de nombreuses richesses. Grâce à quoi? Par la cause de leur commerce et par la cause de quoi? Des terres qu'ils travaillent. Ils travaillaient beaucoup les terres et particulièrement ici ils récoltaient beaucoup de dattes dues aux nombreux palmiers qu'ils avaient. Ils les vendaient, ils ont accumulé beaucoup de richesses. Ces richesses-là ont attiré beaucoup de juifs. Donc ils avaient une grande communauté juive. Il n'y avait pas que des juifs, il y avait des arabes, mais particulièrement des juifs à Khaybar. À la kulli hal, ces juifs-là, le prophète savait qu'ils étaient dangereux. Pourquoi? Ils ne voulaient pas la paix. Ils ne cessaient d'organiser des complots contre le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne cessaient de faire appel à différentes tribus, comme les Ratafan et d'autres, pour ici attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Donc à ce moment-là, le prophète a dit, khlas, il n'y a plus de traité de paix avec eux. Ils ont rompu les traités de paix, donc ici, on va s'attaquer à eux. Donc on va s'attaquer à eux. Pourquoi? Car ils ont rompu les premiers traités, et ils ne cessèrent de vouloir déclarer la guerre à l'islam et aux musulmans. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit, khlas, il n'y a pas d'autre alternative que de leur déclarer la guerre, car ils ne veulent pas cesser. D'un côté, on est en sécurité avec qui? Avec Quraysh. On a cité le pacte d'Al-Hudaybiyah. As-Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah. Donc ici, le pacte, le compromis, la conciliation qu'il y a eu entre le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les Quraysh. Et regardez le bien de ce pacte-là. S'il n'y avait pas eu ce traité-là, ce pacte d'Al-Hudaybiyah, est-ce que vous croyez que ça aurait été facile pour le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons d'attaquer ici les juifs qui étaient à Khaybar, sachant qu'ils auraient pu facilement s'allier encore avec Quraysh? Ça aurait été plus difficile. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a calmé les esprits d'un côté. Il a eu certes des sacrifices, mais il y avait plus de bien que de mal. C'est pour ça que les savants disent, ils disent que quand tu es dans une situation où tu as à choisir entre deux choses mauvaises, tu n'as pas le choix que de choisir entre deux choses mauvaises. Donc à ce moment-là, tu choisis la chose qui est la moins mauvaise. Et quand tu es dans une situation et tu pèses le pour et le contre, et tu sais qu'il y a une situation qui va te déplaire plus que la première, maintenant au moment présent, mais il y a plus de bien que de mal, choisis celle qui te déplaît le plus au moment présent, parce que tu sais qu'à longue durée, il y a plus de bien que de mal. Et il faut que tu prennes en compte aussi l'intérêt général des musulmans, le bien de l'islam, le bien des musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam a bien fait, alayhi salatu wassalam. Donc ici, il savait très bien que les Quraysh ne pouvaient pas attaquer ici le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne pouvaient pas s'allier avec le prophète alayhi salatu avec les juifs de Khaybar. Donc il a décidé de les attaquer. Les juifs ont été pris de court. Les juifs ont été pris de court. Le prophète alayhi salatu wassalam est parti de journée vers Khaybar, ou en fin d'après-midi vers Khaybar. Et quand ils sont arrivés ici la nuit à Khaybar, ou près de Khaybar, aux portes de Khaybar, le prophète alayhi salatu wassalam a décidé ici de passer la nuit ici aux portes de Khaybar. Ils n'étaient pas encore au courant, les juifs. Ils étaient pendant la route, ou plutôt ils prenaient le chemin. Donc ils se sont arrêtés en soirée, aux portes de Khaybar. Pendant la route, il nous est parvenu différents récits, particulièrement rapportés par Al-Bukhari wa Muslim, du comportement du prophète et des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Comment ont réagi les compagnons pendant qu'ils marchaient? Est-ce qu'ils étaient dans l'insouciance? Est-ce qu'ils étaient dans la peur excessive? Ils étaient tous noyés, si on veut, si je peux me permettre ici d'employer cette expression, noyés si on veut, ou alors ils augmentaient tous plutôt ce qu'on appelle dhikrullahi azza wa jal, le rappel d'Allah azza wa jal. Ils ne délaissaient jamais le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on tire beaucoup de profit de certains hadiths concernant dhikrullahi azza wa jal dans le Bukhari wa Muslim, et particulièrement dans cette situation, c'est-à-dire le départ des musulmans de Médine quand ils sont partis vers Khaybar, 150 km à peu près, juste 150 km. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il est rapporté que quand ils montaient, ils disaient quoi ? Kabbaru. Ils disaient Allahu Akbar. Quand ils montaient quoi ? Quand ils montaient des sortes de collines ou de vallées, à chaque fois qu'ils montaient ici une vallée ou une colline, ils disaient Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils faisaient At-Takbir. Et à chaque fois qu'ils descendaient d'une plaine ou d'une vallée ou d'une colline, ils faisaient quoi ? At-tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ou subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Comme a dit alayhi salatu wa salam fi sahih al-Bukhari, le prophète il a dit, kalimatan, deux paroles, qui sont quoi? Habibatan ila al-Rahman, aimées par le miséricordieux. Thaqilatan fil mizan, lourd dans la balance, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Ces deux paroles, le prophète alayhi salatu wassalam les a dit dans Sahih al-Bukhari, sont rapportés dans le Bukhari, deux paroles aimées par le miséricordieux, lourdes dans la balance, juste deux paroles. Et ici il dit quoi? Khafifatan ala al-lisan. Ils sont légères dans la langue. Le prophète il a dit gloire à Allah et pureté à lui, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, gloire à Allah le puissant ou le grand. Regardez, deux paroles légères dans la langue, lourdes dans la balance, aimées du miséricordieux, at-tasbih. Dhikrullahi azza wa jal, c'est demandé pour le croyant, la croyante, dans toute situation. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Ici, on continue avec le hadith de Muslim et Al-Bukhari fi Sahihain. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a entendu as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Là, on est toujours dans la route. On revient un peu en arrière. On est toujours dans la route avant qu'ils arrivent aux portes de Khaybar. Ils étaient dans la route et le prophète, il voyait les compagnons qui disaient Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils faisaient at-takbir, at-tasbih, at-tahmid. Lakin, ils osaient la voix. Bidhikrillahi azza wa jal, avec le rappel d'Allah azza wa jal. Regardez. Ils osaient la voix. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam les a mis en garde contre le fait d'élever la voix. Et regardez qu'est-ce qu'il dit dans Sahihain, le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, vous n'invoquez ni un sourd, ni quelqu'un d'absent. Il dit aux compagnons, pourtant il faut quelque chose de bien. Jusqu'à ce que al-ulama rahimahumullah jami'an ils disent quoi? On peut hausser la voix ou hausser le ton que dans certains cas concernant dhikrullahi azza wa jal. C'est-à-dire al-dhikr, al-tasbih, al-tahmid, al-tahlil. Et on a dit dhikrullahi azza wa jal, c'est tout ce qui concerne la religion. Tout ce qui te sert de te rapprocher d'Allah azza wa jal. Ceci fait partie du rappel d'Allah azza wa jal. Comme on a rappelé plusieurs fois dans Sahih, le prophète alayhi salatu wassalam haussait le ton et se mettait quelquefois en colère quand il était fawqa al-mimbar, au-dessus du mimbar, ou ala al-mimbar, sur le mimbar. Et quand il prêchait les gens, il devenait rouge et il disait as-sahaba, c'est comme s'il nous mettait en garde de la venue d'une armée. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il essaie de quoi? Captiver au maximum les gens. Et on sait très bien que quand on parle ici au ralenti et avec une douce voix, tout le monde s'endort. Mais quand tu cries, t'as pas le choix. Même si tu veux pas écouter, ça te fait tellement mal aux oreilles que t'as pas le choix, tu peux pas dormir. Donc il y a un bien ici dans le fait d'hausser le ton pour le rappel d'Allah Azza wa Jal quelquefois. Mais ici, quelquefois, c'est interdit. Comme ici, particulièrement, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, vous n'invoquez ni un sourd et ni quelqu'un d'absent. Mais vous invoquez qui? As-sami'ul basir, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui entend, c'est lui qui voit. Regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, vous n'invoquez ni un sourd ni quelqu'un d'absent, mais vous invoquez innama tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, mais vous invoquez celui qui entend, celui qui est proche de vous, wa huwa ma'akum, et il est avec vous, comme a qala jalla wa ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et Allah le dit dans le Coran, il est avec vous où que vous soyez. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous par sa science, par son aide. Il nous soutient, il nous préserve, il nous donne assistance. Lakin bidhatihi subhanahu wa ta'ala, avec son entité, Allah azza wa jalla n'est pas présent avec nous, car Allah azza wa jalla est établi au-dessus de son trône ou sur son trône, au-dessus des sept cieux. Et comme a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, al-iman bihi wajib. Wal-kayf majhoul. Wal-iman bihi wajib. Wal-kayf majhoul. Wal-kayf majhoul. Wal-iman bihi wajib. Et as-su'al anhu bid'ah. Et la question en cela est une innovation, la parole très connue de l'imam Malik. C'est-à-dire on doit croire en cet établissement. On doit croire, le comment est inconnu. La croyance en cela est obligatoire. Mais Allah Azza wa Jal, ma'iyatullah Azza wa Jal, le fait qu'Allah Azza wa Jal est avec nous, c'est-à-dire qu'il nous aide, il nous soutient, il nous assiste, il nous préserve, et on a tous besoin de cette ma'iyah, de cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam leur a rappelé que ça ne servait à rien de d'hausser le ton. Et ça, c'est une réponse à ceux qui quoi? N'importe quel prétexte suffit pour quoi? Pour hausser le ton en faisant dhikrullahi azza wa jal. Par exemple, comme as-soufiya, malheureusement, beaucoup de soufis, quand ils font dhikrullahi azza wa jal, ils aiment le faire en assemblée et hausser le ton le plus fort possible. Ils crient, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, dans sahihain, il leur a dit, pourquoi vous haussez le ton? Allah azza wa jal n'est ni sourd et Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni absent. Mais Allah Azza wa Jal est avec vous. Allah Azza wa Jal entend. Allah Azza wa Jal est proche de vous. C'est les paroles du prophète alayhi salatu wassalam fi sahihain. L'importance de dhikrullah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que quoi? C'est pour ça que les savants ont dit et ont puisé dans ces récits prophétiques authentiques pour dire ça c'est une preuve que le prophète alayhi salatu wassalam ne délaissait aucune occasion pour enseigner la religion aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Le prophète, dès qu'il voyait l'occasion de leur apprendre quelque chose, il le faisait. Et les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, tout de suite, ils appliquaient ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, leur disait. Dans As-Sahihain, Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum, ce grand compagnon, il dit, on est toujours dans Dhikrullahi Azza wa Jal, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, à ce même moment, écoutez bien, j'étais en train de quoi? D'invoquer Allah Azza wa Jal fi nafsi. Donc, ici, de façon cachée, pas apparente. Il n'osait pas le ton. Personne ne savait ce qu'il disait. Lakin il disait, dans mon fort intérieur, je disais, كنت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, il a interpellé Abu Musa. Il lui a dit, Abu Musa, il a dit, qu'est-ce que tu dis? Et le prophète عليه الصلاة والسلام savait ce qu'il disait. Et ça, c'est une preuve de la prophétie du prophète عليه الصلاة والسلام. Parce que les savants, ils ont dit quoi? Le prophète, alayhi sallam, il rappelle que quoi? Qu'à ce moment-là, il savait ce que disait, alors que Moussa, Abu Musa al-Ash'ari, disait quoi? Il disait, كنت أقول ذلك في نفسي, dans mon fort intérieur. لا حول ولا قوة إلا بالله. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, يا رسول الله, je dis, لا حول ولا قوة إلا بالله. Et le prophète, alayhi sallam, ici, il lui a dit, sache que لا حول ولا قوة إلا بالله, c'est quoi? كنز من كنوز الجنة. C'est un trésor parmi les trésors du paradis. Il l'a informé sur quoi? Sur les bienfaits de cette parole qui est la hawla wa la quwwata illa billah. C'est un trésor parmi les trésors du paradis. Et pourquoi pas alors que la hawla wa la quwwata illa billah renferme de nombreux et nombreux et nombreux bienfaits et trésors. Ça veut dire quoi la hawla wa la quwwata illa billah? Avec une traduction approximative. Et on va donner l'explication de la hawla wa la quwwata illa billah donnée par Ibn Rajab rahmatullahi alayhi. La hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'avec l'aide d'Allah azza wa jal. qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il nous a enjoint, recommandé de répéter après le mu'adhin. Ici, à quel moment précis quand il dit le mu'adhin, celui qui appelle à la prière, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Après qu'ils disent hayya ala salah, c'est recommandé de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Après hayya ala al-falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi après hayya ala salah, hayya ala al-falah, et pourquoi pas au début? Regardez ce qu'ont dit les savants. Ici, quand tu dis hayya ala salah, c'est répondez au quoi? Au succès. Hayya ala al-falah, ou hayya ala salah, répondez à la prière. Hayya ala al-falah, répondez au succès. Et là, à ce moment-là, tu dis, il n'y a de force. Regarde bien, répondez au succès. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah Azza wa Jal. Répondez à la prière. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah Azza wa Jal. C'est comme si tu disais, je ne peux répondre au succès que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Continue. C'est comme si tu disais, je ne peux avoir de la force pour pouvoir répondre au succès, à cet appel qui appelle au succès. Et je ne peux avoir al-quwwa, la force, pour répondre à la prière que par la permission d'Allah Azza wa Jal qui détient la force et la puissance complète, parfaite. Ibn Rajab rahmatullahi alayhi, il dit quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah Azza wa Jal. C'est comme si tu disais, ou ça veut dire, tu ne peux, ou tu n'as la puissance ou la force de changer d'un état vers un autre état que par la permission d'Allah Azza wa Jal qui détient la puissance et la force complète et parfaite. Que par la permission d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, tu ne peux avoir de la force pour venir à la prière que par la permission d'Allah. Tu peux sortir de l'état de l'égarement vers l'état de la guidée que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Tu peux délaisser le mal pour aller vers le bien que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Tu peux aller vers le bien alors que tu étais dans le mal que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Tu peux appeler au sentier d'Allah Azza wa Jal ou bien être la cause de la guidée d'une personne vers le sentier d'Allah Azza wa Jal que par la permission d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire tout ce que tu fais pour passer du mal au bien, il te faut de la force, il te faut des efforts. Lakin la hawla wa la quwwata illa billah. Tu ne peux avoir de force et de puissance qu'avec l'aide d'Allah Azza wa Jal qui lui détient la force et la puissance complète et parfaite et acquis. Ou plutôt celui qui donne la force et la puissance à qui il veut. Une force et une puissance bien sûr limitées. Tandis qu'Allah Azza wa Jal c'est le fort par excellence. C'est le puissant par excellence. Subhanahu wa ta'ala fahuwa al-aziz. Fahuwa al-qawi. Wal-aziz. Wal-qawi. Min asma illahi Azza wa Jal. Ça fait partie des noms du miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est un trésor parmi les trésors du paradis. Et il y a beaucoup d'évocations de tasbih, de tahmid, de tahlil qui sont recommandés dans la sunna. Beaucoup. Et tout ceci fait partie de quoi? Dhikrullah Azza wa Jal. Le rappel d'Allah Azza wa Jal. Lakin on dit, as-salam min dhikrillah Azza wa Jal. As-siyam, le jeûne, ça fait partie du rappel d'Allah. La lecture du Coran, ça fait partie du rappel d'Allah Azza wa Jal. Le fait, comme il dit Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala wa ghayruh, simplement le fait de délaisser un interdit, ça fait partie de quoi? Dhikrullah Azza wa Jal. Pourquoi? Tu t'es rappelé de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal l'a interdit, ça fait partie de quoi? Dhikrullah Azza wa Jal. Man taraka ma'asiya min al-ma'asi, fahuwa fi dhikrillah Azza wa Jal. Wa hakadha. Tout ça fait partie de quoi? Dhikrullah Azza wa Jal. Lakin, est-ce que ça suffit que tu évoques ou invoques ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? Hal hadha yakfi? أن تكون من الذاكرين الله عز وجل. Est-ce que ça suffit d'être parmi ceux qui évoquent, ceux qui se rappellent d'Allah عز وجل؟ والله هذا لا يكفي. Ça suffit pas. Avec les preuves du Coran et de la Sunna. Allah سبحانه وتعالى il rappelle في القرآن الكريم que qui المنافقون أيها الأحباب les hypocrites. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils se rappelaient d'Allah عز وجل؟ نعم. Allah عز وجل il parle des hypocrites dans le Coran الكريم. Il dit quoi? Ici, الذين لا يذكرون جل وعلا الله سبحانه وتعالى إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. Qui? المنافقون. Allah il parle dans le Coran الكريم des hypocrites. Il dit, il n'évoque Allah Azza wa Jal que très peu. Et ici, dans le même verset ou un verset avant, Allah Azza wa Jal parle de ces hypocrites toujours. Il dit, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. Et quand ils se lèvent pour la prière, donc ils prient aussi. Ils se lèvent avec quoi? Avec paresse, wal'iyadu billah. صفات المنافقين. أيها الأحباب, les critères de l'hypocrite, c'est quoi quand ils se lèvent pour la prière? Ici, les symptômes qu'ont les hypocrites quand ils se lèvent pour la prière, se lèvent avec paresse. Ils se lèvent avec paresse, avec flemme, wal'iyadhu billah. Et quand ils évoquent Allah que très peu. Est-ce que nous, on se lève avec paresse pour la prière? Est-ce que nous, on évoque très peu Allah Azza wa Jal? Chacun répond à sa propre personne. Lakin les croyants, Allah Azza wa Jal, quand il parle dans le Coran al-Karim des croyants, dans Surat al-Ahzab, qu'est-ce qu'il dit? Inna al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat, wal-qanitina wal-qanitat. Ala kulli hal, il parle des musulmans et musulmanes, des croyants et des croyantes, de ceux qui obéissent à Allah Azza wa Jal et celles qui obéissent, ceux qui jeûnent et celles qui jeûnent, etc. Ensuite, il dit quoi? Wa-dhakirina Allah kathira. C'est la seule fois quand Allah Azza wa Jalla parle des croyants, des croyantes, de ceux qui patientent, de celles qui patientent, de ceux qui jeûnent, les jeûneuses. C'est le seul moment dans ces versets coraniques où il dit Allah Azza wa Jalla kathira, c'est quand il dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah Azza wa Jalla leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Pour qui? Ceux qui évoquent abondamment Allah Azza wa Jalla. Et celles qui évoquent Allah Azza wa Jalla. Les savants, ils ont dit quoi? L'importance d'évoquer abondamment. Parce que Allah Azza wa Jalla, regardez, il n'y a pas de contradiction avec le Coran, al-Karim ou avec les versets du Coran. Allah, il dit, les hypocrites, ils évoquent Allah, tout simplement. Mais Allah, il dit, les croyants, ils évoquent Allah. Contradiction? Non. Il dit, ils évoquent abondamment Allah Azza wa Jalla. La preuve que, ya akhil habib, ya ukhti al-karima, tu te dois d'invoquer, évoquer Allah Azza wa Jalla le maximum. Selon tes capacités, fais ad-da'wa tu ila Allah Azza wa Jal. Fais ad-da'wa. Sinon, tu fais pas ad-da'wa, fais ta prière. Tu fais pas ta prière. Ici, donne des sadaqas. Tu délaisses le péché. Je suis dans aucune de ces situations. Alayka bit tasbih, wa tahmid, wa l'istighfar. Fais le tasbih, le tahmid, l'istighfar. Tu es au travail, tu peux pas te retrouver dans aucune de ces situations que je viens citer précédemment. Dis simplement, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Il y a beaucoup de bienfaits dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Énormément de bienfaits. Et ça, ça mériterait plus d'une conférence. Mais parmi les bienfaits, regardez, Allah Azza wa Jal parle juste de l'istighfar. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Allah Azza wa Jal yaqul ala lisani Nuh alayhi salam fi muhkam tanzilihi, il dit quoi? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a alaykum midrara wa yumdid alaykum bi amwalin wa banin. Allah Azza wa Jal dit, ici, il parle de la situation de Nuh alayhi salam. Quand il dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, et je leur ai dit, je leur ai recommandé de quoi faire l'istighfar. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, c'est lui qui accueille le repentir. C'est lui qui pardonne les péchés. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, le grand pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Les conséquences de l'istighfar. Il fera tomber quoi? La pluie. Il vous donnera de ses bienfaits. Et il vous donnera de quoi? وَيُمْدِدْ. Ici, il vous donnera des enfants et des biens. Yarhamukallah. Des enfants et des biens. Jusqu'à ce que l'ulama, ils ont dit, même celui qui n'a pas la possibilité d'avoir des enfants, par exemple, il est stérile, عَلَيْهِ بِالْإِسْتِغْفَارِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ. Mais simplement faire astaghfirullah de temps en temps, non. وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا. On n'a rien sans rien. Beaucoup. Dis-lui, fais beaucoup l'istighfar. Et place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Wa tawakkul al-akhdhu bil asbab min at-tawakkul 'ala Allah Azza wa Jal. Prends les causes. C'est quoi les causes? Al-istighfar. Fais beaucoup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Fais beaucoup d'istighfar. Dis beaucoup astaghfirullah. Repentons auprès d'Allah Azza wa Jal. Le prophète, il dit dans Sahih Muslim, je me repens auprès d'Allah Azza wa Jal et je demande pardon plus de 100 fois par jour. Le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a beaucoup de bienfaits dans l'istighfar, dans le tasbih, dans le tahmid, dans le tahlil, et particulièrement la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Le prophète, il a dit, quand vous sortez de chez vous, dites la hawla wa la quwwata illa billah. Tu rappelles que quoi? Tu ne peux te déplacer sans la permission de qui? Celui qui détient la force parfaite, complète et la puissance, Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'était une petite parenthèse. Ils sont arrivés à Khaybar, ou plutôt aux portes de Khaybar. Ils passent la nuit à Khaybar, ils savent pas encore ou aux portes de Khaybar. Les juifs, ils ne savent pas encore qu'ils vont arriver. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tôt le matin, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont attaquer les juifs à Khaybar. Alors que certains étaient en train de quoi? En train de travailler la terre. D'autres étaient dans leur occupation. D'autres, à la kulli hal, ils ont été pris de quoi? Par surprise. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est parti les attaquer. Et rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah le Très-Haut, Allah le Très-Haut, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. J'ai dévasté certes Khaybar, Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait ça alors qu'il quoi? Il se dirigeait vers les juifs à Khaybar, alors que eux, ils prenaient tous la fuite dans les différentes forteresses qu'ils avaient ou les différents châteaux qu'ils avaient. Donc ils sont tous partis se réfugier dans leur château. Et en descendant chez ses ennemis, il disait, nous en troublons leur matinée, nous en troublons leur matinée. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui disait ça, rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Et une nuit, le prophète alayhi salatu wassalam, alors que ces juifs sont partis se cacher dans les forteresses, pendant la nuit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, demain, je donnerai l'étendard, al-raya, à qui? À un homme, rajulun, yuhibbullah wa rasoulah. Il aime Allah et son messager. Wa jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux, Allah azza wa jalla, et le prophète l'aime. Lui, il aime Allah et son prophète, et Allah et son prophète aiment cet homme-là. Regardez l'éloge. Toi, tu peux aimer Allah Azza wa Jal. Ya Allah, inni uhibbuk. Qui a déjà dit ça, Allah Azza wa Jal? Ya Allah, je t'aime. Après, il faut le prouver, il faut l'assumer. Mais qui l'a déjà dit? Déjà, est-ce qu'on aime vraiment Allah? Allahu ta'ala a'lamu ahkam. Mais je pense que la majorité, oui. Ici, toi, tu peux aimer Allah. Tu peux aimer le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais avant tout, il faut le prouver avec les actions. Mais est-ce qu'Allah et le prophète t'aiment? Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit clairement, celui qui va prendre l'étendard demain, c'est un homme à qui je vais le donner. Dont Allah azza wa jalla, ou qui Allah azza wa jalla et le prophète l'aiment, et lui, il aime Allah et son messager. Tous les compagnons, ils se sont dit, le soir, qui est cet homme-là? Chacun voulait être cet homme-là. Vous imaginez l'éloge du prophète. Allah l'aime, le prophète t'aime. Imagine-toi, on te dit, tel roi t'aime. Telle personne qui a telle notoriété ou telle richesse t'aime. Yuhibbu, qu'est-ce qu'on te dit? Ou quel est ton état si on te dit Allah Azza wa Jalla lui-même t'aime, le prophète t'aime, khlas. Le prophète alayhi salatu wassalam les a laissés pendant la soirée. Le lendemain, le prophète alayhi salatu wassalam il a donné raya à qui? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda. Il a dit Ali, viens prendre l'étendard. Donc les compagnons ils disaient peut-être c'est moi, ça va être qui, etc. Ils ont dit Ali, viens prendre l'étendard. Et le prophète alayhi salatu wassalam quand il a appelé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda pour prendre l'étendard, c'est-à-dire c'est lui qui va lever l'étendard, qui va diriger quoi? L'armée des musulmans pour attaquer les forteresses ou les différentes forteresses ou les différents châteaux où étaient réfugiés les juifs. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné l'ordre à Ali de prendre l'étendard. Ali a été content, il fut heureux, lakin il avait un problème. Il avait quoi? Il avait des problèmes aux yeux, il voyait mal. Et ça c'est un handicap. Et c'est pour ça qu'on sait très bien qu'il nous suffit simplement de voir mal ou avoir un peu mal aux yeux et on sait que c'est un handicap. Regardez le bienfait de quoi? Le bienfait de la vue. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Par la permission, ou plutôt le prophète alayhi salatu wassalam, par la permission d'Allah Azza wa Jal, ça fait partie encore des miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Il a craché sur l'œil de Ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda, la salive du prophète alayhi salatu wassalam qui vaut bien plus que de l'or et dont certains compagnons ils se battaient, ils se bousculaient pour récupérer la salive du prophète alayhi salatu wassalam dans de nombreux hadiths. Ici le prophète alayhi salatu wassalam quand il a mis sa salive sur l'œil de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, ici le Ali radiyallahu anhu wa arda ne souffrait de plus rien et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit prends l'étendard. Ali lui a dit à Rasulallah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les combattre jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous, c'est-à-dire musulmans? Le prophète alayhi salatu wassalam, regardez, il lui a dit appelle-les à l'islam. Invite-les à embrasser l'islam. Rappelle-leur et informe-leur quant au devoir qu'ils ont envers Allah Azza wa Jal. Et il lui dit, par Allah, ya Ali, si Allah Azza wa Jal guide une seule personne par ta cause, ceci t'est préférable que quoi? Humrun ni'am, c'est les chamelles rousses. C'est pour rappeler que quoi? C'était un type de chameau, ou alors c'était des types de chameaux ou de chamelles qui valaient très très cher à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans une version, c'est meilleur pour toi que quoi? Ad-dunya wa ma fiha. La vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Juste si tu es la cause de la guider d'une personne. C'est pour ça qu'il a dit quoi, le prophète? Si par ta cause, et ça c'est ce qu'on appelle hidayatu ad-dalala ou hidayatu al-irshad, c'est-à-dire la voie de la guider. Toi tu indiques la voie de la guider. Amma, celui qui guide, c'est Allah Azza wa Jal. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Mais si toi tu es la cause, imagine-toi ya Abdallah. Non seulement le prophète alayhi salatu wassalam dit dans une version, c'est meilleur que la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. En plus de ça, il dit à Ali radiyallahu anhu arda, dans ce moment où c'est le moment de quoi? De la guerre, du combat. Il lui dit quoi? Il le rappelle l'importance de quoi? الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a toujours fait devancer الدعوة إلى الله عز وجل avant quoi? Avant la guerre et l'attaque. Toujours. Toujours. Et le prophète عليه الصلاة والسلام dans الدعوة إلى الله عز وجل, il a toujours appelé à l'appel à Allah عز وجل avec douceur et sagesse et bonne exhortation. Il leur a dit quoi? Appelez à l'islam. Informez-leur quant aux devoirs qu'ils ont envers Allah عز وجل, etc. Et d'ici par Allah, Allah guide une personne par ta cause, c'est meilleur pour toi que quoi? Les chamelles rousses. Donc ici c'est quoi? ça nous rappelle l'importance de quoi? D'être la cause de la guidée des gens. Voilà qui nous, quel effort on fait pour être la cause de la guidée des gens? Quelqu'un va dire, moi je suis pas imam. L'autre va dire, moi je suis pas savant. L'autre va dire, moi je suis pas un prédicateur. Lakin kama qala al-ulama, chacun a son mimbar. T'es mécanicien, ton mimbar, c'est dans ton garage. Si toi t'es commerçant, ton mimbar, où le prophète alayhi salatu wassalam, un endroit où le prophète alayhi salatu wassalam montait, qui lui servait d'appeler les gens vers la voie de quoi? De la guider. Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le mimbar de l'imam c'est dans la mosquée. Mais toi, si t'es commerçant, ton mimbar c'est dans ton magasin. Et la plupart des musulmans qui ont embrassé, ou plutôt des associateurs qui ont embrassé l'islam, ici, c'est par la cause de quoi? At-tijara, le commerce. Le commerce. C'est pourquoi? Parce que eux, ils étaient sur le terrain. Ils avaient les contacts ou du contact ou des contacts avec qui? Avec les musulmans, avec les associateurs, les idolâtres, les athées, avec tout le monde. Tandis que l'imam, il a contact avec qui? Avec qui il a contact? Avec les croyants, tout simplement. Il peut avoir un impact avec les non-musulmans. Mais regardez, avec les non-musulmans, peut-être le mécanicien peut avoir plus d'impact que l'imam. Peut-être que celui qui est commerçant, il peut avoir plus d'impact que l'imam. Pourquoi? Parce qu'il a l'opportunité de rencontrer des gens que l'imam peut-être n'aura jamais, bien sûr il a, mais il n'aura pas autant d'opportunités que le commerçant de rencontrer ce genre de personnes, des associateurs, des athées, des bouddhistes. Yani, peut-être dans une journée, il va en voir 50 ou 100. Et wallah, je me rappelle d'un cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, qui était avec nous à Bruxelles, Ami Hassan, ceux qui connaissent, il m'avait dit, wallah, que juste dans son commerce, parce que c'est un commerçant, ici, juste dans sa pizzeria, mashallah, la quwata illa billah, il dit, dans sa pizzeria, 60 se sont convertis entre ses mains par la permission d'Allah. 60, il dit juste dans ma pizzeria, 60 ont embrassé l'islam. 60. Qu'est-ce que toi t'as fait pour la communauté? Qu'est-ce que toi t'as fait pour l'islam? Quel travail tu fais toi? Moi je suis dans mon coin, je reste assister à un cours ou deux cours de temps en temps, ça ne suffit pas. Ad-da'watu illallahi azza wa jal, c'est obligatoire. Et nous, on doit être la cause, par la permission d'Allah azza wa jal, de l'entrée à l'islam du maximum de personnes. Du plus grand nombre de personnes. Chacun fait son travail. Chacun a son mimbar dans son travail. Ça veut pas dire que toi tu es médecin. Bon, non, moi je peux. Non, t'es médecin, t'as ton mimbar. Ici, quand t'es dans ton hôpital, chacun doit quoi? Mettre la pierre à l'édifice. Et c'est comme ça que l'islam va se fortifier, va grandir. Et on peut montrer de la meilleure des façons, ici, le vrai visage de l'islam aux musulmans et aux non-musulmans. Et leur rappeler que quoi? L'islam, c'est pas la guerre, couper les têtes, le sang, le terrorisme. Abadan, c'est quoi? Ad-da'watu ila Allah azza wa jal bil hikmati wal maw'izati al hasana kama qala jalla wa ala fi muhkam al tanzil. C'est le fait d'appeler à Allah avec sagesse et bonne exhortation, comme Allah l'a dit dans le Coran al-Karim. La sœur, quand elle se marie, et ici qu'elle a des enfants, elle reste cloîtrée chez elle et elle dit, maintenant je m'occupe de moi et mes enfants, ça me suffit. Je suis dépassée. Abadan. Celui qui met le baraka dans le temps, c'est qui? Allah azza wa jal. Celui qui met le baraka dans le temps, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a juré et il n'a pas besoin de jurer par le temps, c'est qui? Allah azza wa jal. Wal asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa aminu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'être humain court à certes à sa perte. Sauf celui qui croit, qui accomplit les œuvres salutaires. Et ceux qui s'enjoignent mutuellement à la patience et à l'endurance. Allah, il jure par le temps. Celui qui met la bénédiction dans le temps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu fais des efforts pour apprendre ta religion. Écoute. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu ne peux avoir de force pour apprendre ta religion, la capacité d'apprendre, que par quoi? Que par la permission d'Allah azza wa jal, qui détient la force par excellence et la puissance par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala. Akfir min hadha dhikr. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Moi je n'ai pas de temps, j'arrive pas à trouver de temps, j'arrive pas à m'organiser parce que j'ai mes enfants, est-ce que tu dis la hawla wa la quwwata illa billah au moins une fois par jour, une fois par mois, une fois par an? Normalement, la personne qui n'arrive pas à avoir ou à fournir assez d'efforts pour organiser ici son avancée dans la religion, on lui recommande et on lui dit la hawla wa la quwwata illa billah. Augmente cette invocation ici. Rapproche-toi d'Allah Azza wa Jal en reconnaissant que tu es faible. Qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le puissant. Et c'est lui qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, qui donne quoi? Al-quwwa, la force, c'est Allah. Donc augmente cette évocation et ne sois pas égoïste. Ton mimbar, c'est chez toi. Éduque tes enfants. Les savants, ils ont été éduqués avant tout par qui? Par la mère. La première école, c'est la mère. Les hommes qui ont marqué l'histoire, c'est qui? C'est qui les a éduqués avant tout? C'est la mère. La mère, elle a une grande responsabilité, elle a une grande récompense. Lakin, il faut qu'elle s'organise. Pour faire ad-da'watu ilallah envers quoi? envers ses enfants. Participer à l'avancée de la religion, comment? En soutenant son mari si c'est un da'i ou si c'est une personne qui va au travail. Et lui rappeler comme faisaient les femmes à l'époque du prophète, ittaqillah, crains Allah. Et ramène à la maison que de quoi? Que de l'argent licite. Regardez les femmes à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Les femmes des compagnons, crains Allah. Et ramène à la maison que de l'argent licite. Ce n'est pas des femmes qui, peu importe d'où mon mari travaille, ou quel travail il fait, ou son argent il est licite ou pas. Bref, moi le principal c'est qu'il remplisse le frigo, il m'achète ce que je veux, et après, ya Ukhti al-Karima, peut-être que tu vas manger du feu, wa al-iyadhu billah, peut-être que tes enfants vont manger du feu, peut-être que c'est une personne qui va te faire ralentir dans ton avancée dans la religion. Nous on veut quoi? Des hommes qui nous soutiennent. Wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. L'entraide c'est entre la femme et le mari principalement aussi. La femme et le mari, ils doivent s'entraider. Et l'entraide de la femme envers son mari, c'est quoi? C'est de le soutenir, de lui faire trouver le repos, ar-raha, au sein de la maison. Et voilà que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est rentré et quand il a reçu iqra, la révélation, il est rentré et il a trouvé qui? Khadija radiyallahu anha wa ardaha, alors qu'il disait zammilouni, zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Il était terrifié. Qui lui a remonté le moral? Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Et dans Sahih Muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, elle aura une maison. C'est qui lui a informé de ça? Jibril alayhi salam. Ya Rasulallah, informe Khadija qu'elle aura une maison. Une maison de quoi? De pierres précieuses. Où elle ne goûtera au paradis. Où elle ne goûtera ni quoi? Ni bruit, ni fatigue. Certains savants, ils ont dit pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais fait goûter ou ressentir la fatigue au prophète alayhi salatu wassalam. Elle aura une paradis faite de pierres précieuses. Où elle ne goûtera, où elle ne connaîtra, il a bien précisé, Jibril alayhi salam, ni bruit, ni fatigue. Kama tadinu tudan, comme tu fais, on te fera. Al-adl ayyuha al-ahbab, Allah azza wa jalla, c'est lui l'équitable, c'est lui le juste. Donc ici, c'est pour nous rappeler, ayyuha al-ahbab, que chacun a son mimbar et chacun doit appeler à Allah azza wa jalla et faire tout ce qu'il est ou tout ce qui est en ses capacités pour être quoi? La cause qu'une personne embrasse l'islam. Particulièrement, tu commences avec ta famille. Après, tu commences avec qui? Tes voisins. Les voisins, ayyuha al-ahbab, et revenez, et je parle pour moi le premier, revenez sur la conférence, ou plutôt le sermon qu'on a fait sur quoi? Les droits du voisin. Ça va vous faire du bien, vous verrez pourquoi. Parce que c'est un sujet qu'on délaisse beaucoup. Amma les voisins, ayyuha al-ahbab, ils ont une énorme, ou plutôt d'énormes droits sur nous. Et ici, parmi ces droits, c'est qu'on les appelle à la religion, ayyuha al-ahbab. C'est la moindre des choses. Tu vois ton voisin, ta voisine, n'aie pas honte. Ne te dis pas, oui, mais peut-être, oh, j'ai honte. Abadan, appelle à Allah Azza wa Jal. Au moins avec un petit livre, au moins avec des petits rappels. Lakin, nous, on délaisse trop de da'watu ila Allah Azza wa Jal. Déjà dans la communauté, qui d'entre nous fait ad-da'watu ila Allah Azza wa Jal avec les jeunes? Qui d'entre nous sort et se dit quelquefois, dès qu'il voit un jeune, il l'appelle à l'islam, viens au cours, participe, crains Allah Azza wa Jal, tu veux un livre, je t'aide, voilà, tu veux un numéro de téléphone pour appeler pour ceux qui fait ça? Dans la communauté, on le fait très peu. Amma avec les non-musulmans, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, très peu d'entre nous, malheureusement, ici, font cet effort-là et on a délaissé un grand trésor, ayyuha al-ahbab. Le prophète, alayhi salam, il a dit, Ali ibn Abi Talib, sache, alors qu'ils sont en période de guerre, il lui dit, non, qaddim, ici, fais devant, c'est quoi? Ad-da'watu illa Allah Azza wa Jal ala al-harb. Il lui dit, vas-y, maintenant c'est l'heure de quoi? Da'wah, c'est ikhlas. Ils peuvent t'écouter. Ils sont dans une situation, peut-être ils vont t'écouter. Vas-y, il n'y a pas de guerre maintenant. Maintenant c'est quoi? Ad-da'watu. Appelle-les à l'islam. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il voulait simplement répandre le sang? On voit dans toute la biographie que le prophète voulait toujours la paix. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a toujours arrangé les juifs. Mais c'est eux, à l'époque du prophète, qui ont trahi beaucoup de contrats. Et le prophète, quand il combattait, dans la majeure partie du temps, et le premier combat qui a eu lieu, c'était quoi? Jihadu Dafa. C'était un jihad, un combat de défense, ayyuha al-ahbab. Et le prophète faisait toujours devancer à da'watu ila Allah jusqu'à ce qu'il a sacrifié. Le fait qu'on dise quoi? Muhammadur Rasulullah. Quand ils ont écrit le pacte avec Ali, ils ont dit le message, il a dit non. Si on savait que t'étais un messager d'Allah, on t'aurait pas combattu. On t'aurait pas empêché de faire l'umrah. Il a dit c'est pas grave. Ils ont eu mal, les compagnons. C'est pour ça, l'imam Az-Zuhri, il dit la plus grande bataille que le prophète a gagnée. C'était une des batailles les plus éprouvantes, ayyuha al-ahbab. Regardez l'honneur du prophète, alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce qu'ils ont touché le nom d'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous, on connaît Allah. Ar-Rahman, on le connaît pas. On connaît pas Ar-Rahman. Il a dit, c'est pas grave. Bismikallahumma. Écris ça, c'est pas grave. Au nom de toi, Allah. Tout simplement. Regardez les concessions que le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait. Mais pourquoi? Pour que la porte soit ouverte à quoi? Ad-da'watu ila Allah. Quand tu vois que la porte est ouverte, ad-da'watu ila Allah, taharraka abdallah. Essaye de participer. Ne serait-ce qu'avec n'importe quelle participation que tu peux apporter, participe à da'watu ilallah, organisation d'une conférence, d'un colloque, participe, muhim, participe à da'watu ilallah azza wa jal. Ils sont dans la guerre, le prophète dit non, khlas, c'est da'wa maintenant. Vas-y, fais da'watu ilallah azza wa jal. Rappelle les bienfaits de da'wa. Nous maintenant, est-ce qu'on est en période de guerre? Est-ce que si on sort de la mosquée, on doit prendre des armes? Est-ce qu'on a droit de combattre les non-musulmans ici dans un pays, alors qu'on est dans un pays qui est régi sous des traités? Abadan! Seul un jahil va dire ça. Et il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna. Ici, on nous permet d'adorer Allah Azza wa Jal, de prier dans des mosquées, de dire je suis musulman. Ici, qu'est-ce que tu dois faire? Ad-da'watu ilallah. Montrer le meilleur des comportements envers les non-musulmans. Rappeler aux non-musulmans que l'islam, c'est pas le sang, la guerre, la malhonnêteté, la trahison. Abadan. Lakin, appelle à Allah Azza wa Jal, la porte est ouverte. Tu peux faire da'wa selon tes capacités, avec la science qu'Allah Azza wa Jal t'a octroyée. À la basira, avec clairvoyance. Lakin, quand tu restes dormir, alors qu'Allah t'a donné la santé, il t'a ouvert les portes de da'watu ilallah azza wa jal. Il t'a donné un travail, il t'a donné une épouse, il t'a donné des enfants, il t'a donné d'énormes bienfaits, et tu restes dormir. Est-ce que ça c'est de l'ingratitude ou pas? On connaît tous et toute la réponse, wal'iyadu billah. Ayyuha al-ahbab, c'est pour ça que chacun doit avoir le souci de quoi? Ad-da'watu ilallah azza wa jal. Et ici, Ali radiallahu anhu arda est parti, il a porté l'étendard, et quand il est parti avec l'étendard, il est arrivé à la première forteresse ou au premier château. Et un de leurs chefs, il n'a pas voulu négocier. Ils n'ont pas voulu. Khlas, qu'est-ce que vous voulez faire? Khlas, on arrive, on veut négocier. Vous ne voulez pas encore négocier. Alors que vous savez qu'on est là, on a vos portes. On peut vous attaquer, on négocie encore. On vous appelle encore à l'islam. Regardez, est-ce que ça, on sait l'expliquer aux non-musulmans? Est-ce que ça, on sait l'expliquer? Ou on sait expliquer que quand le prophète, alayhi salatu wasalam, dit dans Sahih Muslim, chassez tous les associateurs, min jaziratil arab, de la péninsule arabique, avant que le prophète alayhi salatu wasalam dise ça, regardez ce qui s'est passé. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Le prophète alayhi salatu wasalam, est-ce qu'il l'a dit tout de suite? Abadan. Regardez le prophète alayhi salatu wasalam, regardez même après Khaybar, qu'est-ce qu'il va faire le prophète alayhi salatu wasalam? On revient ici à l'attaque de la première forteresse. Vous voulez pas de da'wah? Khalas, il y a un de leurs chefs qui est descendu. Il a dit je vais combattre. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, il a dit bismillah, pas de problème. À peine il a brandi son épée, Ali radiyallahu anhu arda, vous savez, c'était un homme très fort, il lui a coupé tout de suite la tête. La bataille a commencé, ils ont conquéri la première forteresse. Pareil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et yuqal akthar min dhalik. Il est dit certain, par certains, yani ahlus siyar, qu'il y avait plus que cinq châteaux. Yani ils ont conquéri toutes les forteresses ou tous les châteaux. Après que Khaybar fut délivré, par la permission d'Allah azza wa jal, et à sa tête, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, à sa tête Ali. Dans le même hadith rapporté par le Bukhari wa Muslim, le prophète alayhi salatu wasalam, quand il a donné l'étendard à Ali, et ça c'est la preuve encore de la prophétie. Et on voit beaucoup de preuves et de miracles dans la bataille de Khaybar. La preuve de la prophétie du prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, Allah azza wa jal va libérer Khaybar entre les mains ou à travers Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu arda. Khaybar va être libéré par Ali par la permission d'Allah azza wa jal. Et ici, c'est qui a libéré Khaybar? C'est qui a porté l'étendard? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda. Les savants disent, voilà encore une preuve de nubuwa, la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam. Après que Khaybar a été délivré, alhamdulillah, donc il restait certains juifs. Donc ils ont capturé yani certaines personnes, d'autres personnes ont pris la fuite. Il y a eu un événement rapporté par Abu Huraira, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, selon Abu Huraira radiyallahu anhu arda. Donc ici, khlas, les juifs ont perdu, mais il y avait des juifs qui étaient présents. Ici, il lui est parvenu au prophète alayhi salam un cadeau. C'était quoi? Certains disent une chèvre, d'autres disent une brebis. À la kulli hal, on part dans le principe, c'est une brebis. Une brebis a été offerte au prophète alayhi salatu wassalam. Une brebis a été offerte au prophète alayhi salatu wassalam par les juifs. Le prophète alayhi salam, il a accepté. Et dans cette brebis, il y avait quoi? Un sem, du poison. Et particulièrement, certains al-Sirri ont rapporté que c'était dans une partie que le prophète alayhi salatu wassalam aimait beaucoup. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a mangé. Des compagnons ont mangé. Et parmi les compagnons, un compagnon radiyallahu anhu arda qui s'appelle Bishr. Ils ont mangé de cette brebis-là. Et il y avait un endroit qui était plus empoisonné que l'autre endroit. L'endroit que le prophète alayhi salatu wassalam a pris pour manger. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam a mangé de cet endroit-là, il a eu l'information. Certains disent que c'est la bête, la viande qui a parlé directement. À la kulli hal, on n'a aucune preuve authentique claire. Wallahu a'lam, que moi j'ai lu en tout cas. Ce qu'on sait, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a informé le prophète alayhi salatu wassalam que cette bête, cette brebis qui a été donnée a été empoisonnée. Le prophète a mangé juste une bouchée. Il n'a pas tout mangé, il a mangé une bouchée. Il a trouvé un goût bizarre, il a reçu la révélation comme quoi, ici l'information comme quoi cette brebis elle était empoisonnée. Il a dit arrêtez. Arrêtez cette brebis ou cette bête, elle est empoisonnée. Et certains exégètes, on le verra par la suite, disent que ça c'est une des causes de la mort du prophète alayhi salatu wa salam. Ala kulli hal, le prophète alayhi salatu wa salam, sur place, ça ne lui a rien fait, bi'idnillahi azza wa jal. Donc le prophète a mangé, il a dit arrêtez. Il a su que c'était une femme juive qui l'avait empoisonnée. Après qu'il a su c'était qui cette femme-là, il a ordonné qu'on apporte cette femme juive. Il lui a dit, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Elle a dit na'am. Et il lui a dit dans une version, pourquoi tu as fait ça? Dans une version, elle a dit, je voulais te tuer. Dans une autre version, il est rapporté qu'elle a dit, je voulais savoir. Si tu étais un prophète, je savais que ça ne te ferait rien. Lakin, si tu n'étais qu'un roi qui détenait une certaine notoriété, mais tu n'étais pas prophète, je savais que tu allais mourir. C'était pour voir aussi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons nous ont dit, ya Rasulallah, est-ce qu'on la tue? Le prophète, il a dit, là, vous la tuez pas. Alaykoum salam. Ar-Rahmatul Muhda. Regardez le prophète, alayhi salam, regardez les savants, ils disent quoi? Il a dit, il aurait pu dire, on la tue. Une juive qui veut l'empoisonner. Regardez le prophète, comment il a réagi, il a dit, on la tue pas. Certains savants ont dit, et parmi eux, ce récit est cité dans Rahiq al-Makhtoum, ici connu, il est rapporté que le juste milieu dans la question, est-ce que le prophète, alayhi salam, a ordonné de la tuer ou pas, c'est que sur place, il a interdit de la tuer. Mais quand un compagnon est mort, après qu'il ait mangé, il y a un compagnon parmi eux qui est mort à cause de quoi? De ce poison. Donc là, à ce moment-là, après, pas parce qu'elle a empoisonné le prophète alayhi salatu wasallam, mais parce qu'un compagnon est mort, ils ont appliqué la loi du talion et c'est à ce moment-là qu'ils ont ordonné de quoi? De la tuer cette femme-là. Mais au début, le prophète il a dit on la tue pas. Regardez le prophète alayhi salatu wasallam. Et il y a eu différents événements aussi qui ont eu lieu pendant cette bataille de Khaybar. Lakin, il n'y a pas assez de temps pour citer les événements. On arrivait vers la fin de la bataille de Khaybar. Walakin, inshallah ta'ala, la semaine prochaine, on va finir avec les événements de la bataille de Khaybar. Inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala, alam wa hikam. Walhamdulillahi rabbil alamin.